En Corée, les expositions et exposés nationaux des réalisations scientifiques et techniques du domaine de combustible à usage de la population sont ouverts le 16 courant au Palais des sciences et techniques à Pyongyang. Y ont pris part les cadres intéressés, les officiels, scientifiques, techniciens, enseignants, ouvriers et membres de cercle des Trois Révolutions. Y ont été exposées plus de 370 données sur les réalisations technoscientifiques et produits relatifs au chauffage ménager de divers combustibles de substitution.